sais, vous me l'avez dit. Je dois passer à autre chose. Je sais, vous me l'avez dit. Je devrais être moins morose. Mais sans elle, je manque d'air. L'oxygène est un vieux souvenir. À part elle, qui pour me plaire, qui pour bercer mon avenir. Non, ce n'était pas un canard. Elle m'a quitté sans me ménager. Aujourd'hui je navigue au radar, dans les bas-fonds de mes pensées. C'était juste une belle histoire, d'aimante passionnée fusionnelle, et noyée dans ses regards, peu à peu m'être enivrée d'elle. Qu'elle me pardonne de n'avoir pas su être l'homme dont elle rêvait, qu'elle espérait sans doute l'un de ses petits secrets. Même si ces silences en disent long, laissez-moi l'aimer encore, sans un retour à ma façon. Dans d'autres bras, elle se sent mieux. Par amour, je m'efface et lui dis, je trinque à la vôtre, soyez heureux. Je vous souhaite belle et longue vie. Que l'ombre de moi-même, mon âme désormais s'étiole. Corps en balance, cœur à la plaine. Quand mon bel amour s'envole, si j'ai maudit ces mots en l'air, mis mes nerfs à fleur de peau, le corridor où je me perds, loin de son corps m'a mis KO. Qu'elle me pardonne de n'avoir pas su être l'homme dont elle rêvait, qu'elle espérait sans doute l'un de ses petits secrets. Une mélodie, un testament s'échappe de mon cœur englouti. Son amant, peu à peu m'engouffre l'ennui. Elle dans mon cœur, lui dans le sien. Faites qu'il efface pas ses sourires. Que dire de plus, je ne suis plus rien. Quand se séparent nos avenirs.